Voici l'humeur de Guillermo. Oui, La bande originale, Nagui, sur France Inter. C'est le seul que j'aime ici. Moi. Bonjour les amis. Parce qu'il n'y a qu'une fois par semaine. Salut. Alors, certains parmi vous le savent peut-être, mais je ne suis pas qu'un chroniqueur à l'élocution d'accidenté de la route. Je suis aussi, et peut-être avant tout, un stand-upper mal conseillé artistiquement. Ce qui fera dire à mes bien-aimés collègues, merde. Faut absolument que je vienne voir ton spectacle. Est-ce qu'on peut traduire en langage du showbiz par le jour où tu seras en phase terminale, certificat médical faisant foi, et que tu joueras la dernière représentation de ta life à 20 mètres autour de chez moi? Peut-être, alors peut-être. Vraiment, je viendrai te voir si j'ai plus de wifi à la maison. Elle est belle la solidarité, vraiment. Elle est belle la solidarité. On serrait plus les coudes dans Love Story, quoi. Lohanna et Jean-Edouard, ils sont comme ça maintenant. Moi, je pourrais me faire agresser là par un des vieux du public. Il y a personne qui bougerait ici, vraiment. Non, c'est vrai, dans l'équipe, c'est vrai. Mais pourquoi je vous parle de ma souffrance? Ah oui, parce que le fait de jouer trois fois par semaine ici m'a obligé à louer un appartement à Paris. Non, j'ai pensé acheter un moment, mais après calcul, j'ai réalisé qu'à Paris, j'avais de quoi m'offrir 11 cm carrés. Et à part loger Nagui, qu'est-ce qu'on peut faire dans 11 cm carrés? Trop bien, un sketch sur les loyers à Paris. Enfin, un humoriste qui a son propre univers. Dans deux minutes, il va nous dire que ça pue dans le métro. Et puis, il va imiter Sarkozy. Tu m'étonnes qu'on va pas voir son spectacle à la con. Alors déjà, c'est pas un spectacle à la con. Le Figaro a dit que c'était amusant avec des moments de flottement. Et puis, il n'y a pas de raison que je sois pas le seul humoriste de province à pas avoir mon sketch sur les loyers à Paris. Merde quoi, va dire je peux faire que des vannes sur la pédophilie quand même. J'ai des copains curés là, je vois bien qu'ils commencent à m'éviter dans les réveillons. Putain, je suis en forme. Alors ça soulage en plus l'humour immobilier en pleine présentation du plan logement. Dans mon nouvel appart, j'ai tellement peu de mètres carrés que je leur ai donné un prénom à tous. Bim. Ouais. J'ai signé mon bail hier matin avec le propriétaire. Vous retrouvez la vidéo sur YouPorn, rubrique bondage domination anale. Mais bah non, j'ai fait une pendaison de crémaillère. Je fais une pendaison de crémaillère. Vous êtes tous invités. Hein, Nagui, demain, Tom, vendredi, samedi. Ouais, oui. Parce que vous pouvez pas tous tenir en même temps. Ouais, voilà. Ah putain, c'est incroyable quoi. Vous en voulez d'autres? Non. Mais dis-nous quand même pourquoi t'as pas invité Daniel Morin dans ta pendaison de crémaillère imaginaire. On a qu'à dire que j'aime pas les gens malsains. Je vais pas me justifier. Voilà, je suis lancé. Ceci dit, je grossis le trait. Il est pas si petit l'appart que j'ai loué. Là, c'est parce que je le vois avec des yeux d'adulte. Mais si j'avais 2 ans et demi, je trouverais ça immense. Bim. Je suis un TGV, y a plus rien qui m'arrête. C'est vrai. À Bruxelles, avec le loyer que je paye ici, je rachète le siège du PS belge. Bouillard. On s'en fout. Puis à défaut d'être spacieux, cet appart, il est vachement fonctionnel. Y a un sol. C'est hyper pratique pour tenir debout. Demandez à Mexico. Je t'écoute, hein. J'en ai un stock complet, sérieux, loué à Paris. Ça me donne envie de crever dans un essai nucléaire, quoi. Franchement, je fais officiellement partie de la France qui se fait carotte. Et vous avez un gouvernement de maraîchers, quoi. Réveillez-vous, les gars, c'est pas normal de vivre dans des cages à poules pour le prix d'une rhinoplastie, quoi. Si on m'avait dit, tu verras un jour, tu paieras 800 euros de loyer pour vivre dans 100 mètres carrés la rue de Rivoli, j'aurais dit, mais jamais de la vie, où je vais mettre ma tarte de ping-pong, quoi. Vraiment, ça me sidère, quoi. Propriétaire ou promoteur, c'est vraiment mon nouveau but dans la vie. Mais voilà, en attendant, je suis obligé de jouer 3 fois par semaine pour subsister. Et là vous dites putain de merde, faut vraiment que j'aille le voir jouer un jour. Allez, bonne émission les amis. Mais c'est où Guillermo? Au Point Virgule. Ah bah oui, évidemment.